Je suis pas ton mari, je suis pas ton petit ami, je suis pas tout ça. Pourtant tu me traites comme si je t'avais trahi. Mais que veux-tu de moi? Que veux-tu de moi? Me faire souffrir autant que toi, autant que toi. Et tout ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis pas ton mari, je suis pas ton petit ami, et pourtant tu me traites comme si je t'avais trahi. Tu ne veux pas de moi, alors pourquoi tu me traites comme ça? Tu ne veux pas de moi. Pourquoi, pourquoi tu me prends pour je ne sais quoi? Je suis pas ton mari, je suis pas ton petit ami, mais pourtant tu me traites comme si je t'avais trahi. Mais que veux-tu de moi? Me faire souffrir autant que toi. Tout ça, je ne comprends pas.